Voilà le titre, ni fait ni affaire, c'est Chambord, Chatois, choix multiples. Ils ont fait comme tous les grands projets architecturaux qui ont duré dans les, pendant des années, parce que là on approche des 500 ans de, justement de Chambord. Il y a des partis pris, des hésitations, des réfections de plans, des abandons. Ces chantiers sont, malgré belle façade très homogène qu'on voit aujourd'hui, en effet, souvent, c'est des rafistolages, des assemblages parfois hasardeuses. Et le projet final, ou le résultat final, d'ailleurs, est souvent très, très loin de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà, je situe très brièvement pour la partie préventive. Je reviendrai pour le reste plus tard. Donc on a plusieurs interventions archéologiques dans l'aile sud, les abords, le projet des latrines justement dans les tours, pour la cuisine de Polignac aussi qui vient d'être restaurée, les abords ouest, un petit suivi dans la place Saint-Louis et le bourg, et surtout la part de Cécile, c'est les jardins, les parterres nord et est qu'on vient de terminer la fouille cette année, bon, le 23 septembre. Donc il y aura vraiment des données un peu brutes, mais voilà, c'est tout chaud. Travaux de l'aile sud, c'était les réhabilitations totales pour, pendant l'hiver 99-2000. Donc quand on voit de restauration du patrimoine, ça passe aussi par des modifications assez lourdes. Donc les principaux documents. Ok. Le plan du CSO de 1576, on voit bien la disposition des pièces. Le plan de Le Rouge, après les aménagements de Louis XIV, puis du maréchal de Saxe avec les cuisines. Donc ça donne quelques indications. Et là, on va plonger tout de suite dans la fosse des latrines, de manière figurée, bien sûr, avec le détail du plan du CSO, et comme avait montré Jean-Sylvain, les bons. Et cette fosse, petite fosse, c'est une réduction du XVIIIe siècle d'une fosse plus grande, avec les vestiges de la descente. Ensuite, le conduit était aménagé à l'époque de Louis XIV en cheminée. Donc ça donne quand même une idée d'une voûte qui fait au moins 7 ou 8 mètres de large. Bon, on voit bien le départ des voûtes qui avaient été cassées. Le départ là dans le mur ouest et les remblais qu'on n'a pas touché parce qu'on n'a pas eu vraiment le temps ou le besoin de fouiller tout ça. Donc là, on a réussi à faire le suivi aussi dans l'aile sud, dans les deux parties, avec les découvertes justement de plusieurs maçonneries assez importantes. Donc il y avait deux phases. Il y a une première phase très large, les murs qui font 2,50 m de largeur, et une deuxième phase qui sont plus minces, mais qui viennent s'appuyer contre les murs extérieurs. Donc ça, c'est dans la partie est. Et là, dans la partie ouest, même des fois, les murs qui sont quasiment parallèles, c'est vraiment beaucoup de maçonnerie pour rien. Là, les problèmes de stabilité déjà conçus par les bâtisseurs avec les vestiges d'un arc de décharge. Donc, très rapidement, on avait des mises en phase. La première phase, qu'on date vraiment de l'implantation du chantier dans les années 1520, bleu pâle. Avec la deuxième phase, en bleu foncé, où on voit bien comment ça pourrait être les cloisons. Et puis les réfections, probablement dans les 17e siècle plutôt. C'était aussi l'occasion dans le chantier, les tombes morts. Des fois, ça peut exister. On a pu vraiment approcher les élévations. C'est première fois en région centre qu'on arrive à faire ça pour les périodes aussi récentes. Je vous fais l'impasse sur toutes les parties 17e, 18e, mais on voit très bien que construction primitive du 16e, où ils montaient les murs extérieurs avec une réfection et partie une condamnation de les petites portes liées à la mise en place de ces fondations tardives et moins importantes. Donc finalement, le plan du CSO s'avère assez fiable pour cette partie-là. Donc on voit bien le projet comme il aurait dû être à la fin des travaux de sous François Ier. Et justement, le fait qu'on a une réduction importante des fosses latrines, ou des fosses latrines qui étaient quand même beaucoup plus importantes que la stricte nécessité pour un bâtiment de seul étage, réorganisation des cloisons, et on arrive justement à l'abandon d'un projet à l'origine qui a été amorcé, d'ailleurs, on voit dans les gravures plus tardives, des communs sur deux étages, ou un étage plus apparemment des combles. Donc c'était vraiment quelque chose à la fin de le règne de François Ier qui était vraiment revu à la baisse et finalement quasiment abandonné. Donc si cette partie n'était pas faite, la construction du reste n'était pas vraiment à faire parce que le changement de rythme à l'intérieur des murs induit pour une première implantation avec les bases de pilastres qui rythmaient la façade, le petit module du donjon de 95 cm de large, remplacé par le module un peu plus grand d'1,25 m pour la deuxième phase. Là, par endroit, on a posé la plinthe moulurée qui a été saillante par rapport à la première assise de pierre de taille initiale, avec plus de raffis de large briques et moellons pour faire le plan du mur. Et dans l'aile sud, finalement, je crois que les bâtisseurs, ils ont arrêté les frais, ils ont carrément reculé la plinthe de 10 cm pour que ce soit plus propre. Voilà le plan de Jean Chéreau des années 1560, avec une galerie couverte entre l'aile sud et le donjon, les attentes de pierre pour la voûte qu'on voit aussi sur la façade nord. Donc, quand on a fouillé dans la cour en 2007, l'hiver 2007, aucune trace de fondation, mais on range une jolie batterie de cuves de gâchage de mortier pour le chantier 16e. Donc, il y avait pas mal d'autres choses dans la cour. Bah aussi, les niveaux de sol, les marches primitives qui n'ont jamais servi. La pierre était quasi, vraiment neuve. Mais à cause des problèmes d'inondation, ce niveau de circulation du cours actuel est 30 cm, voire 80 cm plus bas que le niveau même au fin 19e siècle, tout simplement parce que les problèmes d'inondation et d'eau. Là, même si les marches du perron avaient été conçues dès le départ, la réalisation, c'est vraiment des petites maçonneries posées carrément sur les remblais du chantier et même réutilisées par l'escalier des perrons jusqu'aux restaurations de 2007. Voilà le gravure de Ducerceau, avec le grand projet, avec un plan d'eau devant la façade nord et les douves. Mur d'escarpe, contrescarpe, avec les balcons en corbellement. Et on voit bien l'amorce, justement, du deuxième étage des communs. Donc, ça, on a pu constater la réalité de ces travaux en 2010, avec le suivi de ces devant l'aile ouest, avec le mur d'escarpe. Et là, c'est un drain qui est connecté. Le paravent récupéré, probablement pour les jardins au XVIIIe siècle, mais. Et à l'extérieur, par endroit, pardon, on a vraiment les balcons en corbellement en très bon état de conservation avec ce magnifique contrescarpe. Donc cette partie-là, en tout cas, avait été commencée, mais le mur de contrescarpe abandonné n'est jamais réalisé. Mais on a pu regarder l'implantation du site dans le terrain aussi. Donc il y a beaucoup d'informations sur la construction du chantier, avec l'amorce du fossé creusé dans le calcaire, dans le marne calcaire du substrat. Pour la construction, mais jamais fini. Dans la cour aussi, on a pu constater le substrat à 5 mètres de profondeur dans un sondage profond. On a un petit peu mis fin à la mythe des pilotis pour Chambord. Ils ont préféré faire des décaissements importants dans les sédiments du marais et se fonder directement sur le marne calcaire qui est assez dur et largement résistant avec un radier de fagots ou de petits bois qu'on a pu faire analyser aussi. Donc, j'ai fait ça un petit peu à part de charge parce que. Donc, vraiment, les abords restent inachevés jusqu'aux années 1680 avec le premier plomb. Des gravures de la même époque, où on voit bien les encorbellements et le fossé moitié comblé. Et c'était vraiment au XVIIIe siècle, avec les jardins, que tout ce secteur est vraiment nivelé et aménagé. Bon, très brièvement, on a une documentation de la fin du XVIIe siècle que Cécile va présenter en plus de détails. Pour résumer, un plan de 1682 en couleur, annoté par Mansart, qui est dans l'état avant, plus ou moins, parce qu'on a déjà les écuries provisoires de Louis XIV. Et à l'abandon du chantier, ils font l'état des lieux en 1693. Donc c'est vraiment ces deux plans à eux seuls méritent vraiment une analyse, un commentaire assez important. Donc je concentre sur la partie des écuries qui ont été faites en 1680 en pente de bois pour loger les 300 chevaux. Et c'est des écuries provisoires qui sont devenues assez complets. Et avec tous les aménagements pour les gardes du roi, les régiments de cavalerie, les cantinières qui soutenaient les troupes, une institution particulièrement française dans l'armée qui a fait l'objet d'études. Et bon, après ça, il y a tous les logements des ouvriers, les bacs à chaux, c'est toujours les vestiges de chantier. Et le cabaret, justement, qui servait aussi, très important entre l'église d'ailleurs, pour la troupe. Donc, dans le diagnostic de 2012, on trouvait pas mal de les traces de murs. Bon, c'est très rectiligne. Hein. Les vestiges justement des murs pour les pentes de bois avec les plots pour les stalles des chevaux. Donc, c'est des stalles 1,20 m de largeur, assez étroites justement. C'est vraiment pour contenir les chevaux. On n'est pas du tout dans les boxes ou le traitement des chevaux de prestige, mais c'est vraiment le logement pour les chevaux de la troupe. Et donc en plan, vraiment au plan de 1693, c'est vraiment un très bon document, très détaillé, qui colle bien avec le relevé topographique actuel. Donc voilà, je passe la parole à Cécile, parce que bon, ça c'est les abords immédiats et la partie architecturale. Bon, je n'ai pas fait toutes les découvertes, faute de temps. Mais voilà, on arrive à comment composer avec une nature qui s'est toujours montrée un peu récalcitrante. Ça, c'est l'état de notre chantier en juin. On a commencé le 4 juillet. Voilà, donc évidemment, il n'y avait plus d'eau quand on a commencé le 4 juillet. Ça s'est résorbé assez rapidement. On a été surpris. Donc, on va sortir du château. On va s'intéresser aux abords au nord et à l'est. Donc, toute la zone que vous voyez en haut sur la photo. On va repartir un peu dans l'histoire pour voir comment cette partie du site a évolué depuis, en gros, le XVIe. On dispose d'une vue à vol d'oiseau datée de 1600. Donc fin 16e, qui montre un paysage relativement peu travaillé autour du château. Pardon. C'est là qu'il faut. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Donc la façade nord du château. Le Causson, qui est la rivière qui a débordé, qui a inondé tous les abords en juin, qui arrive par l'est ici et qui est encore assez dans son cours naturel en 1600 avec plusieurs méandres qui passent relativement près du château encore. Et en gros, devant le château, un paysage de creux, de bosses avec de la végétation éparse. Le seul élément vraiment structuré, c'est ce chemin, cette route, qui mène au village de Saint-Dié, qui est le port de Chambord. Dit le port de Chambord, c'est un village qui est au bord de la Loire, par où sont arrivés tous les matériaux pour la construction du château. Et donc c'était une route assez importante, sans doute un axe qui existe depuis assez longtemps même. Et donc l'élément structuré, c'est cette route, avec un pont en bois ici, un pont maçonné à une arche, et bordé à proximité du château par une balustrade en bois qui rejoint le parapet du pont. On observe également un retour en équerre de cette balustrade qui est parallèle à la façade, avec une végétation buissonnante dans cette zone-là. On verra que ça correspond à quelque chose. Voilà. Donc ensuite, on passe à la fin, dernier quart du XVIIe. Le paysage a relativement peu changé. On a cette, donc le plan que Simon vous a déjà montré tout à l'heure. Il y a deux choses qui ont changé quand même. C'est devant la tour de la chapelle, un petit jardin bien structuré, longé par la route dont je vous parlais à l'instant, structuré avec quatre carrés séparés par des allées orthogonales. Et puis ici, une première dérivation du cosson qui n'existe pas sur la peinture de 1600. Voilà, donc une dérivation qui clôt qui entoure un terrain globalement carré avec des contours quelque peu irréguliers et puis qui inclut un autre chemin qui mène à ces deux ponts qui, eux, sont présents sur la peinture. Ils sont ici. Voilà, donc le paysage a très peu bougé, mais il y a quand même des travaux qui ont été menés. Alors, est-ce que c'est sous Gaston d'Orléans dans les années 40, 1640 pour le moment, on ne peut pas vraiment l'affirmer. Ce petit jardin donc, qu'on voit ici, devant la tour de la chapelle, il est figure également sur un plan du rez-de-chaussée du château, réalisé en 1680. On n'en a qu'une partie. Mais effectivement, il porte la mention petit jardin et on voit très bien ces parterres là qui épousent les arrondis des tours. Et puis la nappe d'eau, une nappe d'eau ici qui correspond à la première canalisation du Cosson, qui vient inonder, baigner la façade est du château. Les gravures de la fin du XVIIe reprennent un peu les éléments qui figuraient sur la vue de 1600. La route, la balustrade en bois, avec son retour en équerre. Voilà, donc par contre, on n'observe pas vraiment le fameux petit jardin bien structuré, on ne le sent pas sur ces gravures. Voilà. Alors, pour ce qui est des données de fouilles. Sur le paysage, donc avant le 18e, sur ces espaces nord et est du château, vu donc la fouille qu'on a terminée le 23 septembre, qui a duré 3 mois, où on est descendu niveau par niveau, fouiller les structures du 18e, fouiller les structures du 17e, 16e. Donc pour ce qui est des structures devant au niveau du parterre nord, on a donc repéré la chaussée, donc la chaussée pavée du fameux chemin de Saint-Dié, qui était bordée par la balustrade sur les gravures. Et sur le terrain, on n'a pas retrouvé de balustrade. Par contre, on a retrouvé ce muret qui était un solin de fondation pour cette balustrade, avec des emplacements de poteaux quadrangulaires, à intervalles réguliers, voilà, au niveau des qui étaient confortés par des contreforts au niveau de chaque poteau. Sous ce muret, qui correspond à un état final, en fait, juste avant les travaux du 18e, donc un état final de cette route, qui va disparaître ensuite, on a trouvé un alignement de fosses qui sont ces structures, elles aussi à intervalles réguliers, qui ont été, là c'est leur état fouillé, fosses de plantation qui sont parfois doublées, donc probablement un double alignement d'arbres qui reprend plus ou moins l'orientation du chemin et qui ont livré beaucoup de matériel céramique. Que Simon a montré hier à Fabienne Ravoir. Et donc, ces fosses comportent à 99% du matériel 16e. Donc, on est sur un alignement d'arbres qui structurait le paysage et qui peut-être bordait ce chemin de Saint-Dié ou était du côté plutôt du petit jardin. Pour le moment, enfin, nous, pour le moment, on vous présente, comme disait Simon, des données brutes. L'analyse archéologique, proprement dite, n'a pas encore été vraiment faite. Donc, on en est à l'état des questions pour le moment encore. Voilà, donc ça serait inédit puisqu'on n'a pas du tout de données sur l'environnement du château au XVIe, justement. Voilà pour ce qui est des découvertes au niveau du parterre nord. Le parterre au niveau de la partie est, devant la façade est du château, plusieurs éléments anciens sont sortis. Donc, alors Simon, en 2009, avait déjà repéré une arase de mur au fond des douves, avec une orientation complètement différente de celle des structures bâties du XVIe, qui peut-être pourrait correspondre à cet angle, donc à la première dérivation donc, du cosson qui apparaît sur la gravure de 1680, que je vous montrais tout à l'heure. On a également retrouvé un niveau de sol, un niveau de terre humifère enfui à 2 mètres sous le niveau actuel, qu'on identifie comme étant le niveau 16e, en tout cas avant les premiers grands remblaiements de la fin du 17e, qui est donc en gros ce niveau de terre, ce niveau de bonne terre s'étendait sur la surface, quand on reporte sur les plans, on est à ce niveau-là, en fait, au niveau de ce terrain enclos par, d'une part, le cosson et la première dérivation ici. Et ce niveau de bonne terre est bordé du côté nord, donc à peu près à ce niveau-là, ça tombe à peu près à ce niveau-là, par cette énorme levée de terre argileuse qui forme un cordon. Voilà, à peu près, on est à. Il y a 3-4 mètres de large ici au sommet. Et en coupe, ça donne ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette levée de terre ? On voit sur ce plan, après coup, on s'est rendu compte qu'on avait un trait brun ici, bien appuyé, qui borde un chemin. Bon, est-ce que c'est ce que le dessinateur a voulu représenter ? On ne sait pas. Est-ce que c'est une levée de terre pour faire la séparation entre ce terrain qui était du coup terrassé, drainé, et les terrains ici qui étaient laissés à l'état naturel, donc plus ou moins marécageux. Voilà, donc là, la recherche, enfin nos travaux à venir vont tenter d'éclaircir cette question. Voilà pour ce qui est donc des éléments antérieurs au XVIIIe découverts lors de cette fouille. On passe donc à la fin du XVIIe, à partir de 1680-82. Les sources d'archives ont livré ces deux plans, donc deux plans projets de jardin. On sent qu'on réfléchit à un aménagement de jardin d'envergure pour agrémenter les abords du château. C'est vraiment là, à ce moment-là, que ça commence. Auparavant, on n'a pas véritablement de jardin en accord avec l'architecture. Donc c'est en 1680-82 que l'agence Mansart réalise ces deux plans, projets. Donc l'idée, c'est sans doute d'éloigner déjà le projet, c'est non seulement faire un jardin, mais c'est aussi canaliser le cosson pour sans doute l'éloigner du château. Et sur les terrains libérés et nivelés, on projette donc de réaliser ces jardins. Les données archéologiques mises au jour, alors déjà avant l'archéologie, on constate déjà en comparant donc le plan projet de l'avant-cour de 1682 et le plan des abords du château en 1693, qui est un plan qui est réalisé au moment où les travaux de Louis XIV s'arrêtent pour faire un état des lieux de ce qui a été fait, on constate qu'on retrouve des éléments qui sont concordants entre les deux plans. Donc là, on est sur le projet, on constate un canal, le cosson canalisé avec une demi-lune ici et un retour en équerre un retour à 45 degrés pour s'aligner sur l'arrivée du cosson qui est ici. Sur le plan de 1693, on constate que cette demi-lune existe, elle a été réalisée, de même que le début de la canalisation du cosson ici. Et donc, on suppose que ce projet, déjà c'est ce projet qui a été choisi, par rapport au deuxième que je vous ai montré juste avant. Et il y a eu une amorce, en tout cas, de réalisation. Voilà. Mais sans doute que les choses n'ont pas été, parce qu'il s'écoule que 10 ans entre les deux, donc certainement les travaux n'ont pas été terminés. Et déjà, le prochain projet, qui est déjà bien, bien avancé, puisque ici, projet de canal, donc on change la perspective du projet. On choisit de faire un canal en équerre qui va délimiter une grande plateforme quadrangulaire qui s'étendra devant les façades nord et est du château. Ces murs sont déjà réalisés, voilà. Et on va voir en fouille. Alors, avant la fouille, encore une fois, on a une prospection géophysique qui a été réalisée par Geocarta en 2014 pour essayer de repérer des vestiges. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui sort ? Il sort aussi cette demi-lune et ce canal à 45 degrés ici. Voilà. Donc, ce qui confirmerait que tout ça a bien été au moins amorcé. Et puis, autre chose, deux traces résistantes de même largeur, localisées ici, devant la façade est du château, et qui pourraient correspondre à ces deux allées qui encadrent le parterre trapézoïdal, oui, du projet de mansarde, du projet de 1781-82. Donc un autre argument pour dire peut-être ce projet a été réalisé. En fait, auparavant, on ne savait pas si ces projets de mansarde avaient été réalisés. En fait, on n'a aucune donnée historique hormis ces plans. Voilà. Nous, au niveau du décapage, on a repéré donc ces grandes surfaces avec une alternance de remblais sableux ici, de remblais plus humifères ici, et qui dessinent, qui ont des limites très nettes, voilà, qui sont qui évoquent évidemment, qui nous ont fait penser directement à ces parterres triangulaires ici. Donc l'image, la photo du décapage que je vous montrais là, tout à l'heure, c'est on serait ici en fait, on serait sur la limite de ce parterre, l'allée et la limite de ce parterre ici. Voilà. Alors par contre, nous n'avons pas vraiment repéré de structure de plantation. Or, en général, les structures de plantation, on les repère très bien, on les a très bien repérées pour le 18e. Ici, on n'a rien trouvé hormis ces alternances de remblais sableux et de remblais plus foncés, avec des limites nettes. Donc, moi, mon hypothèse, c'est que le projet a été piqueté sur le terrain. Les apports de sédiments ont été faits de façon sélective en prévision de la plantation du parterre et de la création des allées. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de la bonne terre au niveau des allées. C'est du gaspillage, on la réserve pour les parterres. Donc tous ces apports sélectifs de sédiments ont été réalisés, mais sans doute que les plantations n'ont pas abouti. Enfin, on n'est pas allé jusqu'à la plantation et que le projet a été avorté. Bon, c'est une hypothèse. Enfin, dans l'état actuel de l'avancée de nos recherches, c'est ce qu'on peut dire pour le moment. Voilà, donc on peut constater que ce nouveau projet qui démarre dans les années 1690, peut-être démarre déjà dans les années 1680, c'est la première fois qu'on va faire table rase des anciens axes de circulation. On voit sur le projet de 1682 que Mansart a cherché à conserver les axes qui préexistaient dans son projet, notamment la route de Saint-Dié ici et ce chemin, qui sont peut-être déjà des axes médiévaux d'ailleurs, conservés au XVIe. Voilà, c'était juste pour dire ça, qu'au XVIIIe, donc le projet qui va être réalisé, fini, achevé au XVIIIe, va modifier complètement la structuration du paysage. Voilà, donc dans les années, donc tous ces travaux de terrassement, en fait, on voit bien ici que toute cette demi-lune sous ce canal, tout ça va être recouvert de remblais pour la réalisation du futur projet de grand jardin tripartite. Et ces remblais, évidemment, on les a retrouvés en fouille. Alors, juste pour revenir sur le mur qu'on voit, qui a déjà commencé à être réalisé en 1693, donc ici, on les a mis au jour cet été, et notamment les contreforts qui apparaissent ici, qui apparaissent sur les plans, ces petits redans, eh bien, ça correspond aux contreforts intérieurs. Hier, on parlait de contreforts intérieurs pour les murs de terrasse. Ici, on a des contreforts intérieurs espacés tous les 3 mètres. Voilà, donc ce mur était effectivement allait être soumis à de très fortes poussées. Hein. Ici, on a 2 mètres de remblai. Et puis ici, il y avait l'eau du canal. Ici, le pavé de la route de Saint-Dié, qui est ici, voilà, dont on a retrouvé quelques lambeaux encore en place, avec une orientation qui est conforme à l'orientation du chemin tel qu'il était fin 17e. Voilà une image de ces remblais de nivellement répandus entre les années 1680, en gros, et les années 1730, époque à laquelle on passe à la réalisation et la plantation du jardin. Avec ce faciès en jeté de brouette. Donc ces remblais, en fait, c'est quoi? C'est du sable, c'est de la marne calcaire. A priori, ils ont été extraits de... Quand on creuse le canal, on tombe sur les sédiments géologiques en place qui sont voilà, cette marne calcaire, mélangée aussi avec des déblais de construction. Donc ça reflète bien les travaux qui sont en cours autour du château à cette époque. Alors les jardins donc, qu'on a étudiés, les jardins du 18e, voilà, qui sont aménagés sur cette grande plateforme quadrangulaire entourée du canal. Ils se composent de 3 parties, plus ou moins égales. Un grand parterre d'agrément bordé d'alignements d'arbres devant la façade nord. Un parterre d'agrément également avec 2 feuilles, ce que dans les sources ils appellent 2 feuilles de parterre, à l'est. Et un grand quinconce d'arbres dans l'angle nord. Donc cette disposition, elle a quasiment pas évolué jusqu'au début du 19e. Jusqu'à la fin du 18e, plus exactement, avec quand même une petite évolution à partir de la seconde moitié du 18e. Le parterre à 2 feuilles ici se transforme en parterre à 4 feuilles, donc 4 carrés répartis autour d'un puits qui était au centre. Et puis, vraisemblablement, à l'époque du maréchal de Saxe, on perce des allées au sein du quinconce. Voilà l'extrait du plan cadastral en 1819 qui montre une disposition quasi conforme à ce qui a été créé au 18e, de même qu'un plan de 1820. On a une calcographie réalisée en 1745 qui montre une vue de ce grand parterre nord. Et on a également des sources d'archives très abondantes qui vont très dans le détail et qui permettait d'avoir une idée assez précise de ces parterres, jusqu'à la largeur des plates-bandes, le nombre d'arbustes plantés dans les plates-bandes et même certaines essences utilisées. Je ne sais pas quelle heure il est, je vais peut-être accélérer un peu. Il me reste combien de temps ? 5 minutes ? Ok. Vraiment la réalité de ce qu'on retrouve en fouille pour ce qui est des structures de jardin, donc des fosses de plantation qui nous ont permis de localiser précisément les alignements d'arbres qui agrémentaient ce jardin. Donc des alignements d'arbres un peu partout, donc latéralement au parterre ici, latéralement au parterre est, et puis tous les alignements d'arbres du quinconce. Ces fosses de plantation, ici, voilà, celle-ci, elle est belle. Alors un certain nombre de ces fosses de plantation ont été soit occultées, soit abîmées par les travaux de replantation du 20e, ou les travaux de dessouchage aussi. Donc ici, je pense qu'on a une belle fosse de dessouchage. Par contre, ici, une fosse de plantation bien carrée. Les fosses de plantation 18e sont de forme carrée, de plan carré, à fond plat, et elles font à peu près 2 mètres de côté, donc une toise. on les distingue très bien puisque l'encaissant est fait de ces remblais sableux marneux et les fosses sont remplies de bonnes terres, plus humifères et donc plus brunes, ce qui fait que leur détection au décapage et même en coupe ici est assez aisée. Voilà donc un rythme de plantation tous les 5 mètres pour ce qui est du quinconce ici. Ce que vous voyez, les grandes tranchées que vous voyez ici, donc là c'est justement les replantations du 20e qui ont été faites avec un autre mode, une autre technique de plantation, c'est-à-dire qu'aux alentours de 1900, le jardin est replanté en fait, et ils replantent en rigole. Voilà. Donc ils font des grandes tranchées, ils savent que le substrat du jardin n'est pas très fertile avec le sable et ces marnes calcaires. Et donc, ils choisissent la sécurité, ils font des grandes tranchées qui remplissent de bonnes terres et ils plantent les arbres dedans. Alors qu'au 18e, on a planté dans des fosses isolées. Ces fosses de plantation du quinconce d'arbres sont très bien ressorties à la prospection. C'est tous ces petits points bleus qu'on voit voilà, ici. On a mis au jour les vestiges du puits qui était implanté au centre du parterre est, qui a été implanté dans un second temps au 18e. De même que, et ça c'était une bonne surprise, les plates-bandes qui cernaient ces parterres. Donc une plate-bande, c'est en fait le cadre d'un parterre dans lequel on va planter des bulbes, des fleurs qu'on va changer selon les saisons, et qui sont rythmées, elles sont rythmées par la plantation de petits arbustes. Donc ici, on a très bien distingué cette plate-bande qui fait 2 mètres de large. On l'a distinguée en coupe également. Et puis on avait le retour. Elles sont toutes sorties. Voilà, toutes ces plates-bandes sont sorties. Et puis, quelque chose de très intéressant également, aux angles de ces 4 parterres est sorti un motif constitué de 3 petits éléments. Une sorte de motif de coquille, un motif végétalisé. Et ça, on l'a repéré aux 4 angles, plus ou moins bien conservé. Celle-ci est particulièrement bien conservée. Donc, c'est des fosses de plantation. C'est un motif végétalisé qui agrémentait les angles de ces parterres. Il faut imaginer que c'était planté de pelouses ou de petits buis. Et puis, une série de fosses de plantation apparues dans l'axe de la plate-bande, qui correspond peut-être aux arbustes qui les ponctuaient. Donc là, on a 2 niveaux de fosses, c'est encore à analyser par le rapport stratigraphique entre les deux. Pour vous montrer un peu ce qu'on peut trouver. L'évolution du jardin au 19e, peut-être j'ai plus le temps. Voilà, bon, ça va être rapide. Le jardin, donc les alignements d'arbres sont restés assez longtemps, ont subsisté très longtemps, peut-être pas tous les arbres, mais il restait encore des arbres dans les années 1890, puisque dans les sources, on parle d'explosifs pour pétarader les vieux marronniers du quinconce. Donc il reste encore des marronniers du 18e, pardon. À la fin du 19e. Mais en gros, les parterres disparaissent. Déjà fin 18e, on a des grandes pelouses qui sont le parterre. Voilà, il ne reste plus rien du parterre. Bon, c'est aussi la mode du jardin paysager, donc c'est à la fois peut-être un défaut d'entretien, mais également un choix d'avoir plutôt une pelouse ou les vaches, avec des vaches qui... Voilà. Le parterre est également, un peu en déshérence en 1821. Le puits toujours présent. On distingue encore les 4 parterres. Les arbres sont encore, les alignements sont toujours là. Voilà, après, le terrain, il a eu aussi une période de mise en culture. On a une récolte d'avoine en 1894. Et donc, ça aussi, ça paraît bien lors de la fouille avec ces traces de sillons, ces sillons de culture ou de herçage qui apparaissent immédiatement sous la végétale. Voilà, et donc le projet de 1900, replantation du jardin, donc toutes les tranchées que je vous montrais tout à l'heure, une tranchée de plantation qui correspondent à la replantation de ces alignements ici qui sont tout jeunes au début du 20e. Voilà. Le quinconce également replanté avec ces arbres qui sont tout jeunes en 1900. Et donc tout ça, pourquoi cette fouille, en fait, puisque le château souhaitait réaliser une réhabilitation du jardin autour de, enfin, sur les parterres est et nord, pourquoi réhabiliter le jardin des 8e? Tout naturellement parce que la structure, le cadre construit du jardin qui existe aujourd'hui est celui du 18e, comme je vous l'ai exposé tout à l'heure. Avec ce canal en équerre et cette grande plateforme terrassée sur laquelle a été réalisé les jardins au 18e. Et donc là, je vous montre le projet recalé sur les traces de fosses de plantation mises au jour lors de notre intervention. Voilà. Alors, je ne vous ai pas dit, mais pour le parterre nord, on n'a aucune donnée, puisque le projet de jardin de 1900... a occasionné le creusement de deux boulingrins. C'est des boulingrins, c'est des parterres en décaissé, en fait. Donc ce décaissement sur 50-60 cm a effacé toutes les traces des premiers parterres du 18e. Donc aucun espoir de retrouver des traces archéologiques. Donc nos efforts se sont concentrés sur les alignements pour ce qui est du parterre nord. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ah oui, excusez-moi. Oui, en fait, Simon n'a pas terminé. Ok, bilan très provisoire des recherches à Chambord. Bon, pour répondre à ce que déjà annoncé Jean-Sylvain, c'est un contexte parfois difficile, mais quand même très enrichissant, parce que bon, c'est un des sites plus fréquentés de France. Comme Versailles, c'est un monument emblématique et politique. Nous, l'archéologue, on est déjà un petit peu dans l'ombre de François Ier et de Leonardo da Vinci. Donc, c'est souvent on a face à un château un peu fantasmé aussi. C'est un site qui était très peu regardé, et archi-connu ou méconnu. Ça dépend de sa façon de voir. Mais malgré tout, dans ce contexte, c'est vraiment une pluridisciplinarité informel qui s'est développé au fil des années. Il n'y a jamais eu de fil directeur autre que le château lui-même. C'est beaucoup d'approches, de méthodologies qui ont été appliquées et qui évoluent en fonction de l'évolution des besoins de l'aménagement. Donc on est parti du monument en lui-même, un monument dans son environnement, ses abords. Donc le programme archéologique sur les latrines de Jean-Sylvain et Dominique. Les prospections menées depuis longue date par Jean-Louis Maguioret dans la forêt. Et avec les prospections LIDA en 2014 sur 25 000 hectares des forêts autour, qui vraiment, je vous incite à aller voir le site parce que les premiers résultats sont franchement spectaculaires avec des implications et pour l'archéologie, pour la gestion de la forêt. Eric Ioano, le guide conférencier à Chambord, qui a fait beaucoup d'observations sur les anomalies dans les élévations que j'ai pu puiser dedans pendant mes interventions dans l'aile sud. La thèse en cours de Virginie Bédard sur la constitution du domaine royal de chasse. Et les documentaires, les recherches documentaires de Denis Grandmonge et Luc Folivesi qui continuent toujours. Une documentation liée à la restauration du château, une documentation de très grande qualité constituée par Patrick Ponceau dans ses études préalables. Aussi l'aspect scientifique, le comportement des matériaux avec la thèse de Sarah Janvier Badoza sur l'alteration du tuffeau qui caractéristique de l'architecture de la Val-de-Loire et un modèle prédictif et les relevés photogrammétriques qui ont servi de base pour les observations archéologiques et qui développe des techniques d'approche du bâti menées par l'École nationale des sciences géographiques à Marne-Vallée. Pour son compte, que nous, nos collaborateurs, palynologues, géomorphologues, il y avait toute une volée archéo-environnementale qu'on n'a pas présentée ici, faute de temps. Nima Saïdlou du Musée d'histoire naturelle à l'époque qui nous a fait des analyses tracologiques, etc. Donc c'est quand même. Il y a beaucoup de monde derrière nous.